voyageur immobile. J'ai vécu des souffrances dans le plus grand silence d'un univers sans fin. Dans mon cerveau liquide descendaient des rapides qui se perdaient au loin dans la mer des sarcasmes, où tournaient mes fantasmes, où naissaient mes chagrins. Dans mon cerveau malade défilaient en cascade tous les châteaux du Rhin et les palais sans nombre qui s'abîmaient dans l'ombre des égouts vénitiens. Dans mon cerveau fragile, des cavaliers d'argile m'ont découvert la Chine, et là, sous un ciel jaune, j'ai aimé sur son trône ma première figurine. Voyageur immobile, retenu par un fil aux anneaux de cristal. Anneau de cristal.